Ceci n'est pas seulement le récit de la mort d'un général romain qui s'appelait Pompée. Nous sommes en l'an 48 avant Jésus-Christ. Une grande bataille vient d'avoir lieu à Pharsale, en Thessalie, qui est une province au nord de la Grèce. Le sort de Rome, le sort du monde sont décidés. La République va mourir. L'Empire au loin dresse la tête. Depuis 10 ans déjà, l'affaire se dessinait. Jusqu'alors, la République romaine était régie par le Sénat. Et le Sénat romain, depuis des siècles, c'était sur terre le symbole de la puissance, mais aussi de la sagesse, le lieu même des plus hautes vertus civiques. Mais les solennelles institutions humaines sont faites par des hommes. Les hommes meurent, les temps passent. Le glaive de la justice a terni son métal. Bientôt, la loi s'épuise. Les démagogues hurlent. Le peuple méprisé se satisfait des jeux. La vérité est morte. La corruption s'étale. Tout est prêt pour l'aventure des aventuriers. En 60, 3 généraux, Crassus, Pompée, César, s'unissent contre le Sénat. C'est le premier triumvirat. Ils prennent le pouvoir et le Sénat lâchement ratifie. Tout se maintient encore. Les forces entre les 3 hommes s'équilibrent. Chacun craint contre lui l'alliance des 2 autres. Mais en 53, Crassus est tué en Asie mineure et César combat en Gaule. Pompée se trouve à Rome, c'est pour lui l'occasion. Il s'impose dictateur et retire à César son commandement. César, en hâte, revient avec ses troupes, franchit le Rubicon, c'est la guerre. La guerre des factions, le combat décisif. Pompée et César se retrouve face à face à Pharsale pour le dernier combat. Mais avant même que le premier trait soit lancé, que le premier soldat soit mort, le citoyen romain qui, au pied du Capitole, attend dans la rumeur des nouvelles de la bataille, comprend déjà que la liberté a vécu. César, vainqueur. Pompée fuit. Il erre sur la mer. Les amis d'hier détournent la tête. Il sait pourtant qu'en Égypte, il pourra abriter sa détresse. Il a tant fait pour son roi. Ce roi, c'est Ptolémée. Il n'avait aucun droit au titre de trône des pharaons. Mais il a mendié l'appui de Pompée pour s'imposer à ses sujets. Et Pompée l'a aidé de toute sa puissance. Seulement, c'est César qui a fourni l'argent nécessaire pour financer l'entreprise. Ce roi Ptolémée est mort. Il a laissé un testament par lequel il partage le trône entre ses 2 enfants, Ptolémée et Cléopâtre. Ce frère et cette sœur sont devenus rivaux. Chacun espère du Romain le même appui qu'il donna à leur père. Mais Pompée est vaincu. Il arrive. César le poursuit. Quel parti prendre? Dans le palais d'Alexandrie, Ptolémée délibère avec ses conseillers en secret de sa sœur, sa rivale. Le destin se déclare, et nous venons d'entendre ce qu'il a résolu du beau-père et du gendre. Quand les dieux étonnés semblaient se partager, Pharsale a décidé ce qu'il n'osait juger. Ces fleuves teints de sang et rendus plus rapides par le débordement de tant de parricides, cet horrible débris d'aigles, d'arbres, de chars, sur ces champs empestés confusément épars, ces montagnes de morts privées d'honneur suprême que la nature force à se venger eux-mêmes, et dont les troncs pourris exhalent dans les vents de quoi faire la guerre au reste des vivants, sont les titres affreux dont le droit de l'épée justifiant César a condamné Pompée. Ce déplorable chef du parti le meilleur que sa fortune lasse, abandonne au malheur, devient un grand exemple et laisse à la mémoire des changements du sort une éclatante histoire. Il fuit. Lui qui, toujours triomphant et vainqueur, vit ses prospérités égaler son grand cœur, il fuit. Et dans nos ports, dans nos murs, dans nos villes, et contre son beau-père ayant besoin d'asile, sa déroute orgueilleuse en cherche au même lieu où contre les tyrans entrouvèrent les dieux. Il croit que ce climat, en dépit de la guerre ayant sauvé le ciel, sauvera bien la terre, et dans son désespoir à la fin se mêlant, pourra prêter l'épaule au monde chancelant. Oui. Pompée avec lui porte le sort du monde et veut que notre Égypte en miracle féconde serve à sa liberté de sépulcre ou d'appui et relève sa chute ou trébuche sous lui. C'est de quoi, mes amis, nous avons à résoudre. Il apporte en ces lieux les palmes ou la foudre. S'il couronna le père, il hasarde le fils. Et nous l'ayant donné, il expose un fils. Il faut le recevoir ou hâter son supplice, le suivre ou le pousser dedans le précipice. L'un me semble peu sûr, l'autre peu généreux, et je crains d'être injuste et d'être malheureux. Quoi que je fasse enfin, la fortune ennemie m'offre bien des périls ou beaucoup d'infamie. C'est à moi de choisir. C'est à vous d'aviser à quel choix vos conseils me doivent disposer. Il s'agit de Pompée. Et nous aurons la gloire d'achever de César ou troubler la victoire. Et je puis dire enfin que jamais potentat n'eut à délibérer d'un si grand coup d'État. Seigneur, quand par le faire les choses sont vidées, la justice et le droit sont de vaines idées. Et qui veut être juste en de telles saisons balance le pouvoir et non pas les raisons. Voyez donc votre force et regardez Pompée. Sa fortune a battu et sa valeur trompée. César n'est pas le seul qu'il fuit en cet état. Il fuit et le reproche et les yeux du Sénat dont plus de la moitié piteusement étale une indigne curée au vautour de Pharsale. Il fuit Rome perdue. Il fuit tous les Romains qui par sa défaite il met les fers aux mains. Il fuit le désespoir des peuples et des princes qui vengeraient sur lui le sang de leur province. Leurs états et d'argent et d'hommes épuisés. Leur trône mis en cendres et leur sceptre brisé. Auteur des maux de tous, il atteint tous en but et fuit le monde entier écrasé sous sa chute. Le défendrez-vous seul contre tant d'ennemis? L'espoir de son salut en lui seul était mis. Lui seul pouvait pour soi céder alors qu'il tombe. Soutiendrez-vous un fait sous qui Rome succombe? Sous qui tout l'univers se trouve foudroyé, sous qui le grand Pompée a lui-même ployé. Quand on veut soutenir ce que le sort accable, à force d'être juste, on est souvent coupable. Et la fidélité qu'on garde imprudemment, après un peu d'éclat, traîne un long châtiment, trouble un noble revers, dont les coups invincibles, pour être glorieux, n'en sont pas moins sensibles. Seigneur, n'attirez point le tonnerre en ces lieux. Rangez-vous du parti des destins et des dieux, et sans les accuser d'injustice ou d'outrage, puisqu'ils font les heureux adorer leur ouvrage. Quel que soit leur décret, déclarez-vous pour eux, et pour leur obéir, perdez le malheureux. Il ne vient que vous perdre en venant prendre port. Et vous pouvez douter s'il est digne de mort. Il devait mieux remplir vos vœux et notre attente. Faire voir sur ses nefs la victoire flottante. Il n'eût trouvé ici que joie et que festin. Mais puisqu'il est vaincu, qu'il s'en prenne au destin. J'en veux à sa disgrâce et non à sa personne. J'exécute à regret ce que le ciel ordonne, et du même poignard pour César destiné, je perce en soupirant son cœur infortuné. Vous ne pouvez enfin qu'aux dépens de sa tête mettre à l'abri la vôtre et parer la tempête. Laissez nommer sa mort un injuste attentat. La justice n'est pas une vertu d'État. Le choix des actions, ou mauvaises ou bonnes, ne fait qu'anéantir la force des couronnes. Le droit des rois consiste à ne rien épargner. La timide équité détruit l'art de régner. Quand on craint d'être injuste, on a toujours à craindre. Et qui veut tout pouvoir doit oser tout enfreindre. Fuir comme un déshonneur la vertu qu'il perd, et voler sans scrupule au crime qui lui sert. C'est là mon sentiment. Aquila, ses septimes s'attacheront peut-être à quelque autre maxime. Chacun a son avis. Mais quel que soit le leur, qui punit le vaincu ne craint pas le vainqueur. Seigneur, Photin dit vrai. Mais quoique de Pompée, je vois et la fortune et la valeur trompée, je regarde son sang comme un sang précieux qu'au milieu de farsales l'ont respecté les dieux. Non qu'en un coup d'état je n'approuve le crime, mais s'il n'est nécessaire, il n'est point légitime. Et quel besoin ici d'une extrême rigueur? Qui n'est point au vaincu ne craint point le vainqueur. Neutre jusqu'à présent, vous pouvez l'être encore. Vous pouvez adorer César, si l'on l'adore. Mais quoique vos enfants le traitent d'immortel, cette grande victime est trop pour son autel. Et sa tête immolée au dieu de la victoire imprime à votre nom une tache trop noire. Ne le pas secourir suffit, sans l'opprimer. En usant de la sorte, on ne vous peut blâmer. Vous lui devez beaucoup. Par lui, Rome animée a pu rendre le sceptre au feu roi Ptolémée. Mais la reconnaissance et l'hospitalité sur les âmes des rois ont un droit limité. Quoique doive un monarque d'utile sa couronne, il doit à ses sujets encore plus qu'à personne, et cesse de devoir, quand sa dette est d'un rang, à ne point s'acquitter qu'aux dépens de leur sang. S'il est juste d'ailleurs que tout se considère, que hasardait Pompée en servant votre père? Il se voulut par là faire voir tout-puissant et vit croître sa gloire en le rétablissant. Il le servit enfin, mais ce fut de la langue. La bourse de César fit plus que sa harangue. Sans ses 1000 talents, Pompée et ses discours, pour entrer en Égypte, étaient un froid secours. Qu'il ne vante donc plus ses mérites frivoles. Les effets de César valent bien ses paroles. Et si c'est un bienfait qu'il faut rendre aujourd'hui, comme il parla pour vous, vous parlerez pour lui. Ainsi, vous le pouvez et devez reconnaître. Le recevoir chez vous, c'est recevoir un maître qui, tout vaincu qu'il est, bravant le nom de roi, dans vos propres états, vous donnerez la loi. Fermez-lui dans vos ports. Mais épargnez sa tête. S'il le faut toutefois, ma main est toute prête. J'obéis avec joie. Et je serai jaloux qu'autre bras que le mien porta les premiers coups. Seigneur, je suis romain, je connais l'un et l'autre. Pompée a besoin d'aide, il vient chercher la vôtre. Vous pouvez, comme maître absolu de son sort, le servir, le chasser, le livrer vif ou mort. Des quatre, le premier vous serait trop funeste, souffrez donc en deux mots, j'examine le reste. Le chasser, c'est vous faire un puissant ennemi, sans obliger par là le vainqueur qu'à demi, puisque c'est lui laisser sur mer et sur terre la suite d'une longue et difficile guerre, dont peut-être tous deux également lassés se vengeaient sur vous de tous les maux passés. Le livrer à César n'est que la même chose. Il lui pardonnera s'il faut qu'il en dispose. Et s'armant à regret de générosité, d'une fausse clémence, il fera vanité, heureux de la servir en lui donnant la vie et de plaire par là même à Rome asservie. Cependant que forcé d'épargner son rival, aussi bien que Pompée, il vous voudra du mal. Il faut le délivrer du du péril et du crime. Assurer sa puissance et sauver son estime. Et du parti contraire en ce grand chef détruit, prendre sur vous la honte et lui laisser le fruit. C'est là mon sentiment. Ce doit être le vôtre. Par là vous gagnez l'un et ne craignez plus l'autre. Mais suivant d'Aquilas le conseil hasardeux, vous n'en gagnez aucun et les perdez tous deux. N'examinons donc plus la justice des causes et cédons au torrent qui roule toutes choses. Je passe au plus de voix et de mon sentiment je veux bien avoir part à ce grand changement. À ces étroits longtemps l'arrogance de Rome a cru qu'être romain c'était être plus qu'homme. Abattons sa superbe avec sa liberté. Dans le sang de Pompée, éteignons sa fierté. Tranchons l'unique espoir où tant d'orgueil se fonde et donnons un tyran à ces tyrans du monde. Secondons le destin qu'il veut mettre au fer et prêtons-lui la main pour servir l'univers. Rome, tu serviras. Et ces rois que tu braves et que ton insolence ose traiter d'esclave adoreront César avec moins de douleur, puisqu'il sera ton maître aussi bien que le leur. Allez donc, Aquilas. Allez avec cette hymne nous immortaliser par cet illustre crime. Qu'il plaise au ciel ou non, laissez-moi le souci. Je crois qu'il veut sa mort, puisqu'il l'amène ici. Seigneur, je crois tout juste alors qu'un roi l'ordonne. Allez, et hâtez-vous d'assurer ma couronne. Et vous ressouvenez que je mets en vos mains le destin de l'Égypte et celui des Romains. Fatin. Ou je me trompe, où ma sœur est déçue. De la bord de Pompée, elle espère autre issue. Sachant que de mon père, il a le testament, elle ne doute plus de son couronnement. Elle se voit déjà souveraine maîtresse d'un sceptre partagé que sa bonté lui laisse. Et se promettant tout de leur vieille amitié de mon trône en son âme, elle prend la moitié. Où de son vain orgueil, les cendres rallumées poussent déjà dans l'air de nouvelles fumées. Seigneur, c'est un motif que je ne disais pas, qui devait de Pompée avancer le trépas. Sans doute, il jugerait de la sœur et du frère, suivant le testament du feu roi, votre père, son hôte et son ami, qu'il en daigna saisir. Jugez, après cela, de votre déplaisir. Ce n'est pas que je veuille, en vous parlant contre elle, rompre les sacrés nœuds d'une amour fraternelle, du trône, et non du cœur, je la veux éloigner, car c'est ne régner pas qu'être deux à régner. Un roi qui s'y résout est mauvais politique. Il détruit son pouvoir quand il le communique, et les raisons d'État. Mais, Seigneur, la voici. Pompée arrive et vous êtes ici. J'attends dans mon palais ce guerrier magnanime et lui vient d'envoyer Aquilas et Septime. Quoi, Septime, à Pompée? À Pompée, Aquilas? Si ce n'est assez de elle, suivez leur pas. Non, pour le recevoir, c'est trop que de vous-même. Ma sœur, je dois garder l'honneur du diadème. Si vous en portez un, ne vous en souvenez que pour baiser la main de qui vous le tenez, que pour en faire hommage au pied d'un si grand homme. Au sortir de Pharsale, est-ce ainsi qu'on le donne? Fut-il dans son malheur de tous abandonner, il est toujours Pompée et vous a couronné. Il n'en est plus que l'ombre et couronna mon père dont l'ombre et non pas moi lui doit ce qu'il espère. Il peut aller s'il veut dessus son monument recevoir ses devoirs et son remerciement. Après un tel bienfait, c'est ainsi qu'on le traite. Je m'en souviens, ma sœur, et je vois sa défaite. Vous la voyez de vrai et d'un œil de mépris. Le temps de chaque chose ordonne et fait le prix. vous qui l'estimez tant, allez lui rendre hommage. Mais songez qu'au port même, il peut faire naufrage. Il peut faire naufrage. Et même dans le port. Quoi, vous auriez osé lui préparer la mort? Mais ce que les dieux m'ont inspiré de faire est que pour mon état, j'ai jugé nécessaire. Je ne le vois que trop. Potin et ses pareils vous ont empoisonné de leurs larges conseils. Ces âmes que le ciel ne forma que de boue. Ce sont de nos conseils, oui, madame, et j'avoue... Potin, je parle au roi. Vous répondrez pour tous quand je m'abaisserai jusqu'à parler à vous. Il faut un peu souffrir de cette humeur hautaine. Je sais votre innocence et je connais sa haine. Après tout, c'est ma sœur, oyez sans répartir. Oh, s'il est encore temps de vous en repentir, affranchissez-vous d'eux et de leur tyrannie. Rappelez la vertu par leur conseil banni. Cette haute vertu dont le ciel et le sang enflent toujours les cœurs de ceux de notre rang. Quoi, d'un frivole espoir déjà préoccupé, vous me parlez en reine en parlant de Pompée. Et d'un faux zèle ainsi votre orgueil revêtu fait agir l'intérêt sous le nom de vertu. Confessez-le, ma sœur. Vous sauriez vous en taire, n'était le testament du feu roi notre père. Vous savez qu'il le garde. Et vous saurez aussi que la seule vertu me fait parler ainsi. Et que si l'intérêt m'avait préoccupé, j'agirais pour César, et non pas pour Pompée. Apprenez un secret que je voulais cacher, et cessez désormais de me rien reprocher. Quand ce peuple insolent qu'enferme Alexandrie fit quitter au feu roi son trône et sa patrie, et que jusque dans Rome, il alla du Sénat implorer la pitié contre un tel attentat, il nous mena tous deux pour toucher son courage. Vous, assez jeune encore. Moi, déjà dans un âge où ce peu de beauté que m'ont donné les cieux, d'un assez vif éclat faisait briller mes yeux, César en fut épris. Et du moins, j'eus la gloire de le voir hautement donner lieu de le croire. Mais voyant contre lui le Sénat irrité, il fit agir Pompée son autorité. Ce dernier nous servit à sa seule prière, qui de leur amitié fut la preuve dernière. Vous en savez les faits, et vous en jouissez. Mais pour un tel amant, ce ne fut pas assez. Après avoir pour nous employé ce grand homme qui nous gagna soudain toutes les voies de Rome, son amour en voulut seconder les efforts, et nous ouvrant son cœur, nous ouvrit ses trésors. Nous eûmes de ces feux encore en leur naissance, et les nerfs de la guerre et ceux de la puissance. Et les 1000 talents qui lui sont encore dus remirent en nos mains tous nos états perdus. Le roi qui s'en souvint à son heure fatale me laissa, comme à vous, la dignité royale. Et par son testament, il vous fit cette loi pour me rendre une part de ce qu'il tint de moi. C'est ainsi qu'ignorant d'où vint ce bon office, vous appelez faveur ce qui n'est que justice. Et l'oser accuser d'une aveugle amitié quand du tout qu'il me doit, il me rend la moitié. Certes, ma sœur, le compte est fait avec adresse. César viendra bientôt. Et j'en ai lettre express. Et peut-être aujourd'hui, vos yeux seront témoins de ce que votre esprit s'imagine le moins. Ce n'est pas sans sujet que je parlais en reine. Je n'ai reçu de vous que mépris, que haine. Et de ma part du sceptre indigne ravisseur, vous m'avez plus traité en esclave qu'en sœur. Même pour éviter des effets plus sinistres, il m'a fallu flatter vos insolents ministres, dont j'ai craint jusqu'ici le fer ou le poison. Mais Pompée ou César m'en va faire raison. Et quoi qu'avec Photin Aquila s'en ordonne, où l'une ou l'autre main me rendra ma couronne. Cependant, mon orgueil vous laisse à démêler. Quel était l'intérêt qui me faisait parler? Que dites-vous, ami de cette âme orgueilleuse? Seigneur, cette surprise est pour moi merveilleuse. Je ne sais qu'en penser. Et mon cœur étonné d'un secret que jamais il n'aurait soupçonné, inconstant et confus dans son incertitude, ne se résout à rien qu'avec inquiétude. Sauverons-nous Pompée? Il faudrait faire effort, si nous l'avions sauvé, pour conclure sa mort. Cléopâtre vouait, elle est fière, elle est belle. Et si l'heureux César a de l'amour pour elle, la tête de Pompée est l'unique présent qui vous fasse contre elle un rempart suffisant. Ce dangereux esprit a beaucoup d'artifices. Son sacrifice est peu contre un si grand service. Et si tout grand qu'il est, il cède à ses appâts. Il la faudra flatter. Mais ne m'en croyez pas. Et pour mieux empêcher qu'elle ne vous opprime, consultez-en encore Achillas et Septime. Allons donc les voir faire. Et montons à la tour. Et nous en résoudrons ensemble à leur retour. D'une si belle flamme, quelque brillant qu'il soit, n'éblouit point mon âme. Et toujours, ma vertu retrace dans mon cœur ce qu'il doit au vaincu, brûlant pour le vainqueur. Aussi, qu'il ose aimer porte une âme trop haute pour souffrir seulement le soupçon d'une faute. Et je le traiterai avec indignité si j'aspirais à lui par une lâcheté. Quoi? Vous aimez César? Et si vous étiez cru l'Égypte pour Pompée armerait à sa vue, en prendrait la défense, et par un prompt secours du destin de Pharsa l'arrêterait le cours. L'amour, certes, assure bien peu de puissance. Les princes ont cela de leur haute naissance. Leur âme, dans leur sang, prend des impressions qui, dessous leur vertu, rangent leur passion. Leur générosité soumet tout à leur gloire. Tout est illustre en eux quand ils daignent se croire. Et si le peuple y voit quelques dérèglements, c'est quand l'avis d'autrui corrompt leurs sentiments. Ce malheur de Pompée achève la ruine. Le roi l'eût secouru, mais Photin l'assassine. Il croit cette âme basse et se montre sans foi. Mais s'il croyait la sienne, il agirait en roi. Ainsi donc de César, la mante et l'ennemi. Je lui garde une flamme exempte d'infamie, un cœur digne de lui. Vous possédez le sien? Je crois le posséder. Mais le savez-vous bien? Apprends qu'une princesse aimant sa renommée, quand elle dit qu'elle aime, est sûre d'être aimée, et que les plus beaux feux dont son cœur soit épris n'oseraient l'exposer aux hontes d'un mépris. Notre séjour à Rome enflamma son courage. Là, j'eus de son amour le premier témoignage, et depuis, jusqu'ici, chaque jour, ses courriers m'apportent en tribut ses vœux et ses lauriers. Partout, en Italie, aux Gaules, en Espagne, la fortune le suit et l'amour l'accompagne. Son bras ne dompte point de peuple ni de lieu dont il ne rend hommage au pouvoir de mes yeux. Et de la même main dont il quitte l'épée, fumant encore du sang des amis de Pompée, il trace des soupirs. Et d'un style plaintif, dans son chant de victoire, il se dit mon captif. Oui, tout victorieux, il m'écrit de Pharsal. Et si sa diligence à ses feux est égale, ou plutôt, si la mer ne s'oppose à ses feux, l'Égypte le va voir me présenter ses vœux. Il vient, ma Charmion, jusque dans nos murailles, chercher auprès de moi le prix de ses batailles. M'offrir toute sa gloire et soumettre à mes lois ce cœur et cette main qui commandent au roi. Et ma rigueur mêlée aux faveurs de la guerre ferait un malheureux du maître de la terre. J'oserais bien jurer que vos divins appâts se vantent d'un pouvoir dont ils n'useront pas, et que le grand César n'a rien qui l'importune si vos seules rigueurs ont droit sur sa fortune. Mais quelle est votre attente? Et que prétendez-vous, puisque d'une autre femme il est déjà l'époux, et qu'avec Calphurnie, un paisible hyménée par des liens sacrés tient son âme enchaînée? Le divorce aujourd'hui si commun aux Romains peut rendre en ma faveur tous ces obstacles vains. César en sait l'usage et la cérémonie. Un divorce chez lui fit place à Calphurnie. Par cette même voie, il pourra vous quitter. Peut-être mon bonheur sera mieux arrêté. Peut-être mon amour aura quelque avantage qui sera mieux que moi ménager son courage. Mais laissons au hasard ce qui peut arriver. Achevons cet hymen, s'il se peut achever. Ne durera-t-il qu'un jour? Ma gloire est sans seconde d'être du moins un jour la maîtresse du monde. J'ai de l'ambition. Soit vice ou vertu, mon cœur sous son fardeau veut bien être abattu. J'en aime la chaleur et la nomme sans cesse la seule passion digne d'une princesse. Mais je veux que la gloire anime ses ardeurs, qu'elle mène sans honte au fait des grandeurs, et je la désavoue alors que sa manie nous présente le trône avec ignominie. Ne t'étonne donc plus, Charmion, de me voir défendre encore Pompée et suivre mon devoir. Ne pouvant rien de plus pour sa vertu séduite, dans mon âme, en secret, je l'exhorte à la fuite et voudrais qu'un orage écartant ses vaisseaux, malgré lui, l'enleva aux mains de ses bourreaux. Mais voici de retour le fidèle Accoré par qui j'en apprendrai la nouvelle assurée. On est déjà fait. Et nos bords malheureux sont-ils déjà souillés d'un sang si généreux? Madame, j'ai couru par votre ordre au rivage. J'ai vu la trahison. J'ai vu toute sa rage. Du plus grand des mortels, j'ai vu trancher le sort. J'ai vu dans son malheur la gloire de sa mort. Puisque vous voulez qu'ici je vous raconte la gloire d'une mort qui ne couvre de honte, écoutez, admirez et plaignez son trépas. Ces trois vaisseaux en rade avaient mis voile bas. Et voyant dans le port préparer nos galères, ils croyaient que le roi, touché de ses misères par un beau sentiment d'honneur et de devoir, avec toute sa cour le venait recevoir. Mais voyant que ce prince ingrat ses mérites n'envoyait qu'un esquif rempli de satellites, il soupçonne aussitôt ce manquement de foi et se laisse surprendre à quelque peu d'effroi. Enfin, voyant nos bords et notre flotte en armes, il condamne en son cœur ses indignes alarmes et réduit tous les soins d'un si pressant ennui à ne hasarder pas Cornélie avec lui. N'exposons, lui dit-il, cette seule tête à la réception que l'Égypte m'apprête. Et tandis que moi seul j'encourais le danger, songe à prendre la fuite afin de me venger. Tandis que leur amour en cet adieu conteste, Achillas, à son bord, joint son esquif funeste, Septime se présente, et lui tendant la main, le salue empereur en langage romain, et comme député de ce jeune monarque, passez, seigneur, passez dans cette barque. Les sables et les bancs cachés dessous les eaux rendent l'accès mal sûr à de plus grands vaisseaux. Ce héros voit le fourbe et s'en moque dans l'âme. Il reçoit les adieux des siens et de sa femme, leur défend de le suivre. et s'avance au trépas avec le même front qu'il donnait les États. La même majesté sur son visage empreinte, entre ses assassins, montre un esprit sans crainte. Sa vertu tout entière à la mort le conduit. Son affranchi Philippe est le seul qui le suit. C'est de lui que j'ai su ce que je viens de dire. Mes yeux ont vu le reste, et mon cœur en soupire. Et croit que César même, à de si grands malheurs, ne pourra refuser des soupirs et des pleurs. N'épargnez pas les miens. Achevez à Corée l'histoire d'une mort que j'ai déjà pleurée. On l'amène. Et du port, nous le voyons venir, sans que pas un d'entre eux daigne l'entretenir. Ce mépris lui fait voir ce qu'il en doit attendre. Sitôt qu'on a pris terre, on l'invite à descendre. Il se lève et soudain, pour signal, Achillas, derrière ce héros, tirant son coutelas, Septime et trois des siens lâches enfants de Rome, percent à coups pressés le flanc de ce grand homme, tandis qu'Achillas même, épouvanté d'horreur, de ses quatre enragés, admire la fureur. Vous qui livrez la terre aux discordes civiles, si vous vengez sa mort, Dieu, épargnez nos villes, n'imputez rien aux lieux, reconnaissez la main. Le crime de l'Égypte est fait par des Romains. Mais que fait et que dit ce généreux courage? D'un des pans de sa robe, il couvre son visage. À son mauvais destin, en aveugle obéit et dédaigne de voir le ciel qui le trahit. De peur que d'un coup d'œil contre une telle offense, il ne semble implorer son aide ou sa vengeance. Aucun gémissement à son cœur échappé ne le montre en mourant, digne d'être frappé. Immobile à leur coup, en lui-même il rappelle ce qu'eut de beau sa vie et ce qu'on dira d'elle. Et tient à la trahison que leur roi leur prescrit trop au-dessous de lui pour y prêter l'esprit. Sa vertu, dans leur crime, augmente ainsi son lustre. Et son dernier soupir est un soupir illustre qui, de cette grande âme achevant les destins, étale tout Pompée aux yeux des assassins. Sur les bords de l'esquive, sa tête enfin penchée par le traître Septime, indignement tranché, passe au bout d'une lance en la main d'Achillas, ainsi qu'un grand trophée après de grands combats. On descend. Et pour comble à sa noire aventure, on donne à ce héros la mer pour sépulture. Et le tronc sous les flots roule dorénavant au gré de la fortune et de l'onde et du vent. La triste Cornélie, à cet affreux spectacle, par de longs cris aigus, tâche d'y mettre obstacle, défense au cher époux de la voix et des yeux. Puis, n'espérant plus rien, lève les mains aux cieux. Et cédant tout à coup à la douleur plus forte, tombe dans sa galère évanouie ou morte. Les siens ont ce désastre à force de ramer, l'éloignent de la rive et regagnent la mer. Mais leur fuite est mal sûre. Et l'infâme Septime, qui se voit dérober la moitié de son crime afin de l'achever, prend 6 vaisseaux au port et poursuit sur les eaux Pompée après sa mort. Philippe, d'autre part, montrant sur le rivage, dans une âme servile un généreux courage examine d'un œil et d'un soin curieux où les vagues rendront ce dépôt précieux, pour lui rendre, s'il peut, ce qu'aux morts on doit rendre. Dans quelque urne chétive en ramasser la cendre, et d'un peu de cercueil élever au tombeau, à celui qui du monde eut le sort le plus beau. Mais, comme vers l'Afrique on poursuit Cornélie, on voit d'ailleurs César venir de Thessalie. Une flotte paraît qu'on a peine à compter. Lui-même à Corée, il n'en faut pas douter. Tremblez, tremblez, méchants, voici venir la foudre. Cléopâtre a de quoi vous mettre tous en poudre. César vient, elle est reine. Et Pompée est vengée. La tyrannie est bas et le sort a changé. Admirons cependant le destin des grands hommes. Plaignons-les, et par eux jugeons ce que nous sommes. Ce prince d'un sénat, maître de l'univers, dont le bonheur semblait au-dessus du revers, Lui, que sa Rome a vu, plus craint que le tonnerre, triompher en trois fois des trois parts de la terre, et qui voyait encore en ses derniers hasards l'un et l'autre consul suivre ses étendards. Sitôt que d'un malheur sa fortune est suivie, les monstres de l'Égypte ordonnent de sa vie. On voit un Achillas, un Septime, un Photin, arbitre souverain d'un si noble destin, un roi qui de ses mains a reçu la couronne, à ses pestes de cour lâchement l'abandonne. Ainsi finit Pompée. Et peut-être qu'un jour, César éprouvera même sort à son tour. En délogure, faux Dieu qui voyez mes larmes, et secondez partout, et mes vœux et ses armes. Madame, le roi vient qui pourra vous ouvrir. Savez-vous le bonheur dont nous allons jouir, ma sœur? Oui, je le sais. Le grand César arrive. Sous les lois de Photin, je ne suis plus captive. Vous haïssez toujours ce fidèle sujet? Non, mais en liberté, je ris de son projet. Quel projet faisait-il dont vous puissiez vous plaindre? J'en ai souffert beaucoup, et j'avais plus à craindre. Un si grand politique est capable de tout, et vous donnez les mains à tout ce qu'il résout. Si je suis ses conseils, j'en connais la prudence. J'en crains les effets, j'en vois la violence. Pour le bien de l'État, tout est juste en un roi. Ce genre de justice est à craindre pour moi. Après ma part du sceptre à ce titre usurpé, il en coûte la vie et la tête à Pompée. Jamais coup d'État ne fut mieux entrepris. Le voulant secourir César nous eut surpris, vous voyez sa vitesse. Et l'Égypte, troublée avant qu'être en défense, en serait accablée. Mais je puis maintenant à cet heureux vainqueur offrir en sûreté mon trône et votre cœur. Je ferai mes présents. N'ayez soin que des vôtres. Et dans vos intérêts, n'en confondez pas d'autres. Les vôtres sont les miens, étant de même sang. Vous pouvez dire encore étant de même rang, étant roi, l'un et l'autre. Mais toutefois, je pense que nos deux intérêts ont quelques différences. Oui, ma sœur. Car l'état dont mon cœur est content sur quelques bords du Nil à grand-peine s'étend. Mais César, à vos lois soumettant son courage, vous va faire régner sur le Gange et le Tage. J'ai de l'ambition, mais je sais la régler. Elle peut m'éblouir et non pas m'aveugler. Ne parlons pas ici du Tage ni du Gange. Je connais ma portée et ne prends pas le change. L'occasion vous rit et vous en userez. Si je n'en use bien, vous m'en accuserez. J'en espère beaucoup, vu l'amour qu'il engage. Vous la craignez peut-être encore davantage. Mais quelque occasion qui me rit aujourd'hui, n'ayez aucune peur. Je ne veux rien d'autrui. Je ne garde pour vous ni haine, ni colère. Et je suis bonne sœur, si vous n'êtes bon frère. Vous montrez cependant un peu bien du mépris. Le temps de chaque chose ordonne et fait le prix. Votre façon d'agir le fait assez connaître. Le grand César arrive. Et vous avez un maître. Il l'est de tout le monde et je l'ai fait le mien. Allez lui rendre hommage. Et j'attendrai les siens. Allez, ce n'est pas trop pour lui que de vous-même. Je garderai pour vous l'honneur du diadème. Photin vous vient aider à le bien recevoir. Consultez avec lui quel est votre devoir. J'ai suivi tes conseils. Mais plus je l'ai flatté, plus dans l'insolence elle s'est emportée. Si bien qu'enfin, outré de tant d'indignité, je m'allais emporter dans les extrémités. Mon bras, dont ses mépris forçaient la retenue, n'eût plus considéré César ni sa venue, et l'eût mise en état, malgré tout son appui, de s'en plaindre à Pompée auparavant qu'à lui. L'arrogante. À l'ouïr, elle est déjà ma reine. Et si César en croit son orgueil et sa haine, si comme elle s'en vante, elle est son cher objet de son frère et son roi, je deviens son sujet. Non. Non, prévenons-la! Ces faiblesses d'attendre le mal qu'on voit venir sans vouloir s'en défendre, Ôtons-lui les moyens de nous plus dédaigner. Ôtons-lui les moyens de plaire et de régner. Et ne permettons pas qu'après tant de bravades, mon sceptre soit le prix d'une de ses œillades. Seigneur, ne donnez point de prétexte à César pour attacher l'Égypte aux pompes de son char. Ce cœur ambitieux qui, par toute la guerre, ne cherche qu'à porter l'esclavage et la guerre, enflé de sa victoire et des ressentiments qu'une perte pareille imprime aux vrais amants, quoique vous ne rendiez que justice à vous-même, prendrait l'occasion de venger ce qu'il aime. Et pour s'assujettir et vos états et vous, imputerait à crime un si juste coup. Si Cléopâtre vit, s'il la voit et les reines. Si Cléopâtre meurt, votre perte est certaine. Je perdrai-t-il le père, ne pouvant me sauver. Pour la perdre avec joie, il faut vous conserver. Quoi ? Pour voir sur sa tête éclater ma couronne. Sceptre, s'il faut enfin que ma main t'abandonne, passe, passe plutôt dans celle du vainqueur. Vous l'arracherez mieux de celle d'une sœur. Quelque feu que d'abord il lui fasse paraître, il partira bientôt, et vous serez le maître. L'amour à ses pareils ne donne point d'ardeur qui ne cède aisément aux soins de leur grandeur. Il voit encore l'Afrique et l'Espagne occupées par Juba, Scipion et les jeunes Pompée. Et le monde à ses lois n'est point assujetti tant qu'il veillera durer ses restes du parti. Au sortir de Pharsale, un si grand capitaine serait mal son métier s'il laissait prendre haleine et s'il donnait loisir à des cœurs si hardis de relever du coup dont ils sont étourdis. S'il les vainc, s'il parvient où son désir aspire, il faut qu'il aille à Rome établir son empire, jouir de sa fortune et de son attentat, et changer à son gré la forme de l'État. Jugez durant ce temps ce que vous pourrez faire. Seigneur, voyez César, forcez-vous à lui plaire. Et lui déférant tout, veuillez vous souvenir que les événements régleront l'avenir. Remettez en ses mains trône, sceptre, couronne, et sans en murmurer, souffrez ce qu'il ordonne. Il en croira sans doute ordonné justement, en suivant du feu roi l'ordre et le testament. L'importance d'ailleurs de ce dernier service ne permet pas d'en craindre une entière injustice. Quoi qu'il en fasse, enfin, feignez d'y consentir, louez son jugement et laissez-le partir. Plus tard, quand nous verrons le temps propre aux vengeances, nous aurons et la force et les intelligences. Jusque-là, réprimer ces transports violents qu'excitent une sœur, les mépris insolents. Les bravades, enfin, sont des discours frivoles et qui songent aux effets, négligent les paroles. Oh, tu me rends la vie et le sceptre à la fois, un sage conseiller et le bonheur des rois. Cher appui de mon trône, allons sans plus attendre offrir tout à César afin de tout reprendre. Avec toute ma flotte, allons le recevoir et par ses vains honneurs séduire son pouvoir. Thank you. Seigneur. Montez au trône et commandez ici. Connaissez-vous César de lui parler ainsi? Que m'offrirait de pis la fortune ennemie à moi qui tiens le trône égal à l'infamie? Certes, Rome, à ce coup, pourrait bien se vanter d'avoir eu juste lieu de me persécuter. Elle, qui du même œil les donne et les dédaigne, qui ne voit rien au roi qu'elle aime et qu'elle craigne, et qui verse en nos cœurs avec l'âme et le sang et la haine du nom et le mépris du rang. C'est ce que de Pompée il vous fallait apprendre. S'il en eût aimé l'offre, il eût su s'en défendre. Et le trône et le roi se seraient ennoblis à soutenir la main qui les a rétablis. Vous eussiez pu tomber, mais tout couvert de gloire, votre chute eût valu la plus haute victoire, et si votre destin n'eût pu vous en sauver, César eût pris plaisir à vous en relever. Vous n'avez pu former une si noble envie. Mais quel droit aviez-vous sur cette illustre vie? Que vous devez son sang pour y tremper vos mains, vous, qui devez respect au moindre des Romains. Ai-je vaincu pour vous dans les champs de Pharsal? Et par une victoire au vaincu trop fatale, vous ai-je acquis sur eux en ce dernier effort la puissance absolue et de vie et de mort? Moi qui n'ai jamais pu la souffrir à Pompée, la souffrirai-je en vous, sur lui-même usurpé? Et que de mon bonheur vous ayez abusé jusqu'à plus attenter que je n'aurais osé? De quel nom, après tout, pensez-vous que je nomme ce coup où vous tranchez du souverain de Rome? Et qui sur un seul chef lui fait bien plus d'affront que sur tant de milliers ne fit le roi de Pont. Pensez-vous que j'ignore ou que je dissimule que vous n'auriez pas eu pour moi plus de scrupules, et que s'il m'eût vaincu, votre esprit complaisant lui faisait de ma tête un semblable présent? Grâce à ma victoire, on me rend des hommages où ma fuite eut reçu toutes sortes d'outrages. Au vainqueur! Non à moi, vous faites tout l'honneur. Si César en jouit, ce n'est que par bonheur. Amitié dangereuse et redoutable zèle que règle la fortune et qui tourne avec elle. Mais parlez, c'est trop être interdit et confus. Je le suis, il est vrai, si jamais je le fus. Et vous-même, avouez que j'ai sujet de l'être. Étant né souverain, je vois ici mon maître. Ici, dis-je, où ma cour tremble en me regardant, où je n'ai point encore agi qu'en commandant, je vois une autre cour, sous une autre puissance, et ne puis plus agir qu'avec obéissance. De votre seul aspect, je me suis vu surpris. Jugez. Si vos discours rassurent mes esprits, jugez ce que vous peut dire un prince épouvanté de voir tant de colère et tant de majesté. Dans ces étonnements dont mon âme est frappée, de rencontrer en vous le vengeur de Pompée. Il me souvient pourtant que s'il fut notre appui, nous vous dûmes dès lors autant et plus qu'à lui. Votre faveur pour nous éclata la première. Tout ce qu'il fit après fut à votre prière. Il émut le Sénat pour des rois outragés que sans cette prière il aurait négligé. Mais de ce grand Sénat les saintes ordonnances eussent peu fait pour nous, Seigneur, sans vos finances. Par là, de nos mutins, le feu roi vint à bout, et pour en bien parler, nous vous devons le tout. Nous avons honoré votre ami, votre gendre, jusqu'à ce qu'à vous-même il ait osé se prendre. Mais voyant son pouvoir de vos succès jaloux passer en tyrannie et s'armer contre vous... Tout beau, que votre haine en son sang qu'assouvi n'aille point à sa gloire. Il suffit de sa vie. N'avancez rien ici que Rome ose nier, et justifiez-vous sans le calomnier. Je laisse donc au Dieu à juger ses pensées, et dirai seulement qu'en vos guerres passées, où vous fûtes forcé par tant d'indignité. Tous nos voeux ont été pour vos prospérités. Que, comme il vous traitait en mortel adversaire, j'ai cru sa mort pour vous un malheur nécessaire. Et que sa haine injuste, augmentant tous les jours, jusque dans les enfers chercherait du secours. Ou qu'enfin, s'il tombait dessous votre puissance, il nous fallait pour vous craindre votre clémence, et que le sentiment d'un cœur trop généreux, usant mal de vos droits, vous rendit malheureux. J'ai donc considéré qu'en ce péril extrême, nous vous devions servir malgré vous-même. Et sans attendre l'ordre en cette occasion, mon zèle ardent l'a prise à ma confusion. Vous m'en désavouez, vous l'imputez à crime. Mais pour servir César, rien n'est illégitime. J'en ai souillé mes mains pour vous en préserver. Vous pouvez en jouir et le désapprouver. Et j'ai plus fait pour vous, plus l'action est noire, puisque c'est d'autant plus vous immoler ma gloire et que ce sacrifice, offert par mon devoir, vous assure la vôtre avec votre pouvoir. Vous cherchez Ptolémée avec trop de ruses de mauvaise couleur et de froides excuses. Votre zèle était faux, si seul il redoutait ce que le monde entier à plein vœu souhaitait. Et s'il vous a donné ses craintes trop subtiles, qui m'ôte tout le fruit de nos guerres civiles, où l'honneur seul m'oblige, et que pour terminer, je ne veux que celui de vaincre et pardonner, où mes plus dangereux et plus grands adversaires, sitôt qu'ils sont vaincus, ne sont plus que mes frères, et mon ambition ne va qu'à les forcer, ayant vaincu leur haine, à rire et m'embrasser. Oh, combien d'allégresse une si juste guerre aurait-elle laissé dessus toute la terre, si Rome avait pu voir marcher en même char, vainqueur de leur discorde, et Pompée et César. Voilà ces grands malheurs que craignait votre zèle. Oh, crainte ridicule, autant que criminelle. Vous craignez ma clémence. Ah, n'ayez plus ce soin, souhaitez-la plutôt. Vous en avez besoin. Si je n'avais égard qu'aux lois de la justice, je m'accueillerais Rome avec votre supplice, sans que ni vos respects, ni votre repentir, ni votre dignité vous puissent garantir. Votre trône lui-même en serait le théâtre. Mais voulant épargner le sang de Cléopâtre, j'impute à vos flatteurs toute la trahison, et je veux voir comment vous m'en ferez raison. Selon les sentiments dont vous serez capable, je saurai vous tenir innocent ou coupable. Cependant, à Pompée élever des autels. Rendez-lui les honneurs qu'on rend aux immortels. Par un prompt sacrifice, expiez tous vos crimes et surtout, songez bien au choix de vos victimes. Allez-y donner ordre et me laissez ici entretenir les miens sur quelque autre souci. Avez-vous vu cette reine adorable? Oui, Seigneur, je l'ai vue. Elle est incomparable. Le ciel n'a point encore, par de si doux accords, uni tant de vertus aux grâces d'un beau corps. Une majesté douce épand sur son visage de quoi s'assujettir le plus noble courage. Ses yeux savent ravir, son discours sait charmer. Et si j'étais César, je la voudrais aimer. Comme a-t-elle reçu les offres de ma flamme? Comme n'osant la croire et la croyant dans l'âme. Par un refus modeste et fait pour inviter, elle s'en dit indigne et la croit méritée. Oh, pourrais-je être aimé? Doutez qu'elle vous aime. Elle qui de vous seule attend son diadème, qui n'espère qu'en vous. Doutez de ses ardeurs, vous qui pouvez la mettre au fait des grandeurs. Que votre amour sans crainte à son amour prétende. Au vainqueur de Pompée, il faut que tout se rende et vous l'éprouverez. Elle craint toutefois l'ordinaire mépris que Rome fait des rois, et surtout elle craint l'amour de Calphurnie. Mais l'une et l'autre crainte à votre aspect banni vous ferez succéder un espoir assez doux lorsque vous daignerez lui dire un mot pour vous. Allons donc la franchir de ses frivoles craintes, lui montrer de mon cœur les sensibles atteintes. Allons, ne tardons plus. Avant que de la voir, sachez que Cornélie est en votre pouvoir. Septime vous l'amène, orgueilleux de son crime, et pense auprès de vous se mettre en haute estime. Dès qu'ils ont abordé, vos chefs, par vous instruits, sans leur rien témoigner, les ont ici conduits. Qu'elle entre. Ah, l'importune et fâcheuse nouvelle. Qu'à mon impatience, elle semble cruelle. Oh, ciel! Et ne pourrais-je enfin à mon amour donner en liberté ce qui reste du jour? Seigneur. Allez, Septime! Allez vers votre maître! César ne peut souffrir la présence d'un traître, d'un Romain lâche assez pour servir sous un roi, après avoir servi sous Pompée et sous moi. César, car le destin que dans tes fers je brave me fait ta prisonnière et non pas ton esclave. Et tu ne prétends pas qu'il m'abatte le cœur jusqu'à te rendre hommage et te nommer seigneur. De quelque rude trait qu'il m'ose avoir frappé, veuve du jeune Crasse et veuve de Pompée, fille de Scipion et pour dire encore plus, romaine. Mon courage est encore au-dessus et de tous les assauts que sa rigueur me livre, rien ne me fait rougir que la honte de vivre. J'ai vu mourir Pompée et ne l'ai pas suivi. Et bien que le moyen m'en ait été ravi, qu'une pitié cruelle à mes douleurs profondes m'ait ôté le secours et du fer et des ondes, je dois rougir pourtant après un tel malheur de n'avoir pu mourir d'un excès de douleur. Ma mort était ma gloire. Et le destin m'en prive pour croître mes malheurs et me voir ta captive. Je dois bien toutefois rendre grâces aux dieux de ce qu'en arrivant je te trouve en ce lieu. Que César y commande, et non pas Ptolémée. Hélas, sous quel astre au ciel m'as-tu formé, si je leur dois des vœux de ce qu'ils ont permis que je rencontre ici mes plus grands ennemis, et tombe entre leurs mains plutôt qu'aux mains d'un prince qui doit à mon époux son trône et sa province. César, de ta victoire, écoute moins le bruit. Elle n'est que l'effet du malheur qui me suit. Je l'ai portée pour dot, chez Pompée et chez Crasse. Deux fois du monde entier j'ai causé la disgrâce. Deux fois de mon hymen le nœud mal assorti a chassé tous les dieux du plus juste parti. Heureuse en mes malheurs, si ce triste hyménée pour le bonheur de Rome à César m'eût donné. Et si j'eusse avec moi porté dans ta maison d'un astre envenimé l'invincible poison. Car enfin n'attends pas que j'abaisse ma haine. Je te l'ai déjà dit, César, je suis romaine. Et quoique ta captive, un cœur comme le mien de peur de s'oublier ne te demande rien. Ordonne. Et sans vouloir qu'il tremble ou s'humilie, souviens-toi seulement que je suis Cornélie. Oh, d'un illustre époux, noble et digne moitié, dont le courage étonne, et le sort fait pitié. Certes, vos sentiments font assez reconnaître qui vous donna la main et qui vous donna l'air. César s'efforcera de s'acquitter vers vous de ce qu'il voudrait rendre à cet illustre époux. Prenez donc en ces lieux liberté tout entière, seulement pour deux jours, soyez ma prisonnière, afin d'être témoin comme après son trépas, je chéris sa mémoire et venge son trépas, et pour pouvoir apprendre à toute l'Italie de quel orgueil nouveau m'enfle la Thessalie. Je vous laisse à vous-même et vous quitte un moment. Préparez-lui, Lépide, un digne appartement, et qu'on l'honore ici, mais en dame romaine, c'est-à-dire un peu plus qu'on honore la reine. Commandez, et chacun aura soin d'obéir. De vertu vous me faites haïr. De la même main et de la même épée, dont il vient d'immoler le malheureux Pompée Septime, par César indignement chassé dans un tel désespoir à vos yeux, a passé. Oui, Seigneur, et sa mort a de quoi vous apprendre la honte qu'il prévient et qu'il vous faut attendre. Jugez quel est César en ce courroux silent. Un moment, pousse et rompt un transport violent. Mais l'indignation qu'on prend avec étude augmente avec le temps et porte un coup plus rude. Ainsi, n'espérez pas de le voir modéré. Par adresse, il se fâche après s'être assuré. Sa puissance établie, il a soin de sa gloire. Il poursuivait Pompée et chérit sa mémoire et veut tirer à soi par un courroux accord l'honneur de sa vengeance et le fruit de sa mort. Oh, si je t'avais cru, je n'aurais pas de maître. Je serai dans le trône où le ciel m'a fait naître. Mais c'est une imprudence assez commune au roi d'écouter trop d'avis. Mais se tromper au choix! Le destin les aveugle au bord du précipice. Aussi quelques lumières en leur âme se glissent. Cette fausse clarté dont il les éblouit les plonge dans un gouffre. Et puis il s'évanouit. J'ai mal connu César. Mais puisqu'en son estime, un si rare service est un énorme crime, il porte dans ses flancs de quoi nous en laver. C'est là qu'est notre grâce. Il nous faut l'y trouver. Je ne vous parle plus de souffrir sans murmure. D'attendre son départ pour venger cette injure. Je sais mieux conformer les remèdes au mal. Justifions sur lui la mort de son rival. Et notre main, alors également trempée du sang de César et du sang de Pompée, Rome, sans leur donner de titre différent, se croira par vous seul, libre de deux tyrans. Oui, par là seulement ma perte est évitable. C'est trop craindre un tyran que j'ai fait redoutable. Montrons que sa fortune est l'œuvre de nos mains. Deux fois en même jour, disposons des Romains. Faisons leur liberté comme leur esclavage. César, que tes exploits n'enflent plus ton courage. Considère les miens, tes yeux en sont témoins. Pompée était mortel, et tu ne l'es pas moins. Il pouvait plus que toi, tu lui portais envie. Tu n'as non plus que lui qu'une âme et qu'une vie. Et son sort que tu plains te doit faire penser que ton cœur est sensible et qu'on peut le percer. Tonne, tonne à ton gré, fais peur de ta justice. C'est à moi d'apaiser Rome par ton supplice. C'est à moi de punir ta cruelle douceur qui n'épargne en un roi que le sang de sa sœur. Je n'abandonne plus ma vie et ma puissance au hasard de ta haine ou de ton inconstance. Ne crois pas que jamais tu puisses à ce prix récompenser sa flamme ou punir ses mépris. J'emploierai contre toi de plus nobles maximes. Tu m'as prescrit tantôt de choisir des victimes, de bien penser au choix. J'obéis. Et je vois que je n'en puis choisir de plus digne que toi, ni dont le sang qu'offert la fumée et la cendre puisse mieux satisfaire au mal de ton gendre. Mais ce n'est pas assez, ami, de s'irriter. Il faut voir quels moyens on a d'exécuter. Toute cette chaleur est peut-être inutile. Les soldats du tyran sont maîtres de la ville. Que pouvons-nous contre eux? Et pour les prévenir, quel temps devons-nous prendre et quel ordre tenir? Nous pouvons tout, Seigneur, en l'état où nous sommes. À 2000 d'ici, vous avez 6000 hommes que depuis quelques jours craignant des remuements, je faisais tenir prêts à tous événements. Quel que soit que César, sa prudence est perdue. Cette ville a sous terre une secrète issue, par où fort aisément on les peut cette nuit jusque dans le palais introduire sans bruit. Car contre sa fortune, aller à force ouverte, ce serait trop courir vous-même à votre perte. Il nous les faut surprendre au milieu du festin, enivrés des douceurs de l'amour et du vin. Tout le peuple est pour nous. Tantôt à son entrée, j'ai remarqué l'horreur que ce peuple a montrée lorsqu'avec tant de faste il a vu ses faisceaux marcher arrogamment et braver nos drapeaux. Au spectacle insolent de ce pompeux outrage, j'ai remarqué ses yeux plein de rage. Nous pouvons tout, Seigneur. Mais qui pourra de nous approcher sa personne si durant le festin sa garde l'environne? Les gens de Cornélie, entre qui vos Romains ont déjà reconnu des frères, des Germains, au l'âpre déplaisir leur a laissé paraître une soif d'aspirer à leur maître. Ils ont donné parole et peuvent mieux que nous, dans le flanc de César, porter les premiers coups. Il faut voir, Cléopâtre. Agissez avec fin, Seigneur, et ne montrez que faiblesse et que crainte. Nous allons vous quitter comme objets odieux dont l'aspect importun offenserait ses yeux. Allez. Je vous rejoins. J'ai vu César, mon frère. Et de tout mon pouvoir combattu sa colère. Vous êtes généreuse. Et j'avais attendu cet office de sœur que vous m'avez rendu. Mais cet illustre amant vous a bientôt quitté. Sur quelques brouilleries en la ville excitée, il a voulu lui-même apaiser les débats qu'avec nos citoyens ont eu quelques soldats. Et moi, j'ai bien voulu moi-même vous redire que vous ne craigniez rien pour vous et votre empire, et que le grand César blâme votre action avec moins de courroux que de compassion. Il vous plaint d'écouter ces lâches politiques qui n'inspirent au roi que des mœurs tyranniques. Ainsi que la naissance, ils ont les esprits bas. En vain, on les élève à régir des États. Un cœur né pour servir, c'est mal comme on commande. La puissance l'accable alors qu'elle est trop grande. Et sa main, que le crime en vain fait redouter, laisse choir le fardeau qu'elle ne peut porter. Vous dites vrai, ma sœur. Et ces effets sinistres me font bien voir ma faute au choix de mes ministres. Si j'avais écouté de plus nobles conseils, je vivrais dans la gloire où vivent mes pareils. Je mériterais mieux cette amitié si pure que pour un frère ingrat vous donne la nature. César embrasserait Pompée en ce palais. Notre Égypte à la terre aurait rendu la paix et verrait son monarque encore à juste titre ami de tous les deux et peut-être l'arbitre. Mais, puisque le passé ne se peut révoquer, trouvez bon qu'avec vous mon cœur s'ose expliquer. Je vous ai maltraité. Vous êtes si bonne que vous me conservez la vie et la couronne. Vainquez-vous tout à fait. Et par un digne effort arraché, Aquila s'est fautin à la mort. Oh, elle l'aurait bien dû, ils vous ont offensé. Mais ma gloire en leur perte est trop intéressée. Si César les punit des crimes de leur roi, toute l'ignominie en rejaillit sur moi. Il me punit en eux. Leur supplice est ma peine. Forcez en ma faveur une trop juste haine. De quoi peut satisfaire un cœur si généreux le sang abject et vil de ces deux malheureux? Que je vous doive tout. César cherche à vous plaire et vous pouvez, d'un mot, désarmer sa colère. Si j'avais en mes mains leur vie ou leur trépas, je les méprise assez pour ne m'en venger pas. Mais sur le grand César, je puis fort peu de choses. Quand le sang de Pompée à mes désirs s'oppose, je ne me vante pas de le pouvoir fléchir. J'en ai déjà parlé, mais il a su gauchir. Et j'ose croire... Il vient. Souffrez que je l'évite. Je crains que ma présence à vos yeux ne l'irrite, que son courroux ému ne s'aigrisse à me voir et vous agirez seul avec plus de pouvoir. Reine, tout est paisible. Et la ville calmée, qu'un trouble assez léger avait trop alarmé, n'a plus à redouter le divorce intestin du soldat insolent et du peuple lutin. Mais, oh Dieu, ce moment que je vous ai quitté, d'un trouble bien plus grand à mon âme agitée. Et ces soins importuns qui m'éloignaient de vous, contre ma grandeur même, allumaient mon courroux. Je lui voulais du mal de m'être si contraire, de rendre ma présence ailleurs si nécessaire. Mais je lui pardonnais au simple souvenir du bonheur qu'à ma flamme elle fait obtenir. C'est elle à qui je dois cette haute espérance qui parfume mon cœur d'une illustre apparence et fait croire à César qu'il peut former des vœux, qu'il n'est pas tout à fait indigne de vos feux, et qu'il peut en prétendre une juste conquête, n'ayant plus que les dieux au-dessus de sa tête. Oui, reine, si quelqu'un dans ce vaste univers pouvait porter plus haut la gloire de vos fers, s'il était quelque trône où vous puissiez paraître plus dignement assise en captivant son maître, j'irais à lui, moins pour le lui ravir que pour lui disputer le droit de vous servir. Et je n'aspirerais au bonheur de vous plaire qu'après avoir mis bas un si grand adversaire. C'était pour acquérir un droit si précieux que combattait partout mon cœur ambitieux. Et dans Pharsale même, il a tiré l'épée plus pour le conserver que pour vaincre Pompée. Je l'ai vaincu, princesse. Et le dieu des combats m'y favorisait moins que vos divins appels. Ils conduisaient ma main, ils enflaient mon courage. Cette pleine victoire est leur dernier ouvrage. C'est l'effet des douceurs qu'ils daignaient m'inspirer. Et vos beaux yeux enfin m'ayant fait soupirer, pour faire que votre âme avec gloire y réponde, m'ont rendu le premier et de Rome et du monde. C'est ce glorieux titre à présent effectif que je viens ennoblir par celui de captif. Heureux si mon esprit gagne tant sur le vôtre qu'il en estime l'un et me permet l'autre. Je sais ce que je dois au souverain bonheur dont me comble et m'accable un tel excès d'honneur. Je ne vous tiendrai plus mes passions secrètes. Je sais ce que je suis. Je sais ce que vous êtes. Vous daignâtes m'aimer dès mes plus jeunes ans. Le sceptre que je porte est un de vos présents. Vous m'avez par deux fois rendu le diadème. J'avoue après cela, Seigneur, que je vous aime. et que mon cœur n'est point à l'épreuve des traits, ni de tant de vertus, ni de tant de bienfaits. Mais hélas, ce haut rang, cette illustre naissance, cet état de nouveau rangé sous ma puissance, ce sceptre par vos mains dans les miennes remis, à mes vœux innocents sont autant d'ennemis. Ils allument contre eux une implacable haine. Ils me font méprisable alors qu'ils me font reine. Et si Rome est encore telle qu'auparavant, le trône où je me sieds m'abaisse en m'élevant. Et ces marques d'honneur, comme titres infâmes, me rendent à jamais indigne de vos flammes. J'ose encore toutefois, voyant votre pouvoir, permettre à mes désirs un généreux espoir. Après tant de combats, je sais qu'un si grand homme a droit de triompher des caprices de Rome, et que l'injuste horreur qu'elle eut toujours des rois peut céder par votre ordre à de plus justes lois. Je sais que vous pouvez forcer d'autres obstacles, vous me l'avez promis, et j'attends ces miracles. Votre bras d'enfarçade a fait de plus grands coups, et je ne les demande à d'autres dieux qu'à vous. Tout miracle est facile où mon amour s'applique. Je n'ai plus qu'à courir les côtes de l'Afrique, qu'à montrer mes drapeaux au reste épouvanté du parti malheureux qui m'a persécuté. Rome, n'ayant plus l'or d'ennemis à me faire, par impuissance enfin, prendra soin de me plaire. Et vos yeux la verront, par un superbe accueil, immoler à vos pieds sa haine et son orgueil. Encore une défaite, et dans Alexandrie je veux que cet ingrat en ma faveur vous prie, et qu'un chaste respect conduisant ses regards à votre chaste amour demande des Césars. C'est l'unique bonheur où mes désirs prétendent. C'est le fruit que j'attends des lauriers qui m'attendent. Heureux si mon destin encore un peu plus doux me les faisait cueillir sans m'éloigner de vous. Mais hélas, contre mon feu me sollicite. Si je veux être à vous, il faut que je vous quitte. En quelque lieu qu'on fuit, il me faut y courir pour achever de vaincre et de vous conquérir. Permettez toutefois qu'à ces douces amorces je prenne un nouveau cœur et de nouvelles forces pour faire dire encore au peuple plein d'effroi que venir voir et vaincre est même chose en moi. C'est trop, Seigneur. Souffrez que j'en abuse. Votre amour fait ma faute, il fera mon excuse. Vous me rendez le sceptre et peut-être le jour. Et si j'ose abuser de cet excès d'amour, je vous conjure encore par ces plus puissants charmes, par ce juste bonheur qui suit toujours vos armes, par tout ce que j'espère et que vous attendez, ne n'ensanglantez pas ce que vous me rendez. Faites grâce, Seigneur, ou souffrez que j'en fasse et montre à tous par là que j'ai repris ma place. Aquila, ces fautins sont gens à dédaigner. Ils sont assez punis en me voyant régner, et leurs crimes... Oh, prenez d'autres marques de règne. Dessus mes volontés, vous êtes souveraine. Mais si mes sentiments peuvent être écoutés, choisissez des sujets dignes de vos bontés. Ne vous donnez sur moi qu'un pouvoir légitime et ne me rendez point complice de leurs crimes. C'est beaucoup que pour vous j'ose épargner le roi. Et si mes feux n'étaient... César, prends garde à toi. Ta mort est résolue. On la jure, on la prête. À celle de Pompée, on veut joindre ta tête. Prends-y garde, César. Au don sang répandu bientôt parmi le sien, se verra confondu. Mes esclaves en sont à prendre leurs indices. L'auteur de l'attentat et l'ordre des complices, je te les abandonne. Oh, cœur vraiment romain et digne du héros qui vous donne à la main. Ces mâmes qui du ciel ont vu de quel courage je prétendais la mienne à venger son outrage, mettant leur haine bas, me sauvent aujourd'hui par la moitié qu'en terre il nous laisse de lui. Il vit encore dans l'objet de sa flamme, il parle par sa bouche, il agit dans son âme, il la pousse et l'oppose à cette indignité pour me vaincre par elle en générosité. Te flatte, César, de mettre en ta croyance que la haine ait fait place à la reconnaissance. Ne le présume plus. Le sang de mon époux a rompu pour jamais tout commerce entre nous. J'attends la liberté qu'ici tu m'as offerte, afin de l'employer tout entière à ta peine. Et je te chercherai partout des ennemis, si tu m'oses tenir ce que tu m'as promis. Mais avec cette soif que j'ai de ta ruine, je me jette au-devant du coup qui t'assassine et forme des désirs avec trop de raison pour en aimer l'effet par une trahison. Qui la sait, la souffre, à part à l'infamie. Si je veux ton trépas, c'est en juste émis. Rome le veut ainsi. Son adorable front aurait de quoi rougir d'un trop honteux affront. De voir en même jour, après tant de conquêtes, sous un indigne fer, ses deux plus nobles têtes. Son grand cœur, qu'à tes lois en vain tu crois soumis, en veut aux criminels plus qu'à ses ennemis, et tiendrait à malheur le bien de se voir libre si l'attentat d'une île affranchissait le Tibre. Comme autre qu'un Romain n'a pu l'assujettir, autre aussi qu'un Romain ne l'en doit garantir. Venge-la de l'Égypte à son appui fatal, et je la vengerai. Si je puis, de Pharsale. Va, ne perds point de temps, il presse. Adieu. Tu peux te vanter qu'une fois j'ai fait pour toi des vœux. Son courage m'étonne, autant que leur audace. Reine, voyez, pour qui vous me demandez grâce? Je n'ai rien à vous dire. Allez, Seigneur. Allez venger sur ces méchants temps de droits violés. On m'en veut plus qu'à vous. C'est ma mort qu'ils respirent. C'est contre mon pouvoir que les traîtres conspirent. Leur rage pour l'abattre attaque mon soutien et par votre trépas cherche un passage au mien. Mais parmi ces transports d'une juste colère, je ne puis oublier que leur chef et mon frère. Que saurez-vous, Seigneur? Et pourrais-je obtenir que ce cœur irrité daigne s'en souvenir? Oui, je me souviendrai que ce cœur magnanime, au bonheur de son sang, veut pardonner son crime. Adieu! Ne craignez rien. Aquila et Photin ne jouent pas gens à vaincre un si puissant destin. Pour les mettre en déroute, eux et tous leurs complices, je n'ai qu'à déployer l'appareil des supplices. Et pour soldats choisis, envoyer des bourreaux qui porte hautement mes haches pour drapeau. Ne quittez pas, César. Allez, cher Accordré, repoussez avec lui ma mort qu'on a jurée. Et quand il punira nos lâches ennemis, faites-le souvenir de ce qu'il m'a promis. Ayez l'œil sur le roi dans la chaleur des armes et conservez son sang pour épargner mes larmes. Madame, assurez-vous qu'il ne peut y périr si mon zèle et mes soins peuvent le secourir. Thank you. je vous croire, et n'est-ce point un songe qui, sur mes tristes vœux, a formé ce mensonge? Te revois-je, Philippe? Et cet époux si cher a-t-il reçu de toi les honneurs du bûcher? Cette urne que je tiens, contient-elle sa cendre? Oh, vous, à ma douleur objet terrible et tendre, éternel entretien de haine et de pitié, reste du grand Pompée, écoutez à moitié, n'attendez point de moi de regrets ni de larmes. Un grand cœur à ces mots applique d'autres charmes, et faible des plaisirs s'amusent à parler, quiconque se plaint cherche à se consoler. Moi, je jure des dieux la puissance suprême, et pour dire encore plus, je jure par vous-même, car vous pouvez bien plus sur ce cœur affligé que le respect des dieux qui l'ont mal protégé. Je jure donc par vous. Oh, pitoyable reste, ma divinité seule après ce coup funeste. Par vous, qui seul ici pouvez me soulager, de n'éteindre jamais l'ardeur de le venger. Toi qui l'as honoré sur cette infâme rive d'une flamme pieuse autant comme chétive, dis-moi, quel bon démon a mis en ton pouvoir de rendre à ce héros ce funèbre devoir? Tout couvert de son sang, et plus mort que lui-même, après avoir 100 fois maudit le diadème, madame, j'ai porté mes pas et mes sanglots du côté que le vent poussait encore les flots. Je cours longtemps en vain, mais enfin, d'une roche, j'en découvre le tronc, vers un sable assez proche, où la vague en courroux semblait prendre plaisir à feindre de le rendre, et puis s'en ressaisir. Je m'y jette, il embrasse et le pousse au rivage, et ramassant sous lui le débris d'un naufrage, je lui dresse un bûcher, à la hâte et sans art, tel que je pus sur l'heure, et qu'il plut au hasard. En entrant, j'ai trouvé des désordres étranges. J'ai vu fuir tout le peuple en foule vers le port, où le roi, disait-on, s'était fait le plus fort. Les Romains poursuivaient. Et César, dans la place, ruisselante du sang de cette populace, montrait de sa justice un exemple assez beau, faisant passer Fotin par les mains d'un bourreau. Aussitôt qu'il me voit, il daigne me connaître. Et prenant de ma main les cendres de mon maître, reste d'un demi-dieu, dont à peine je puis égaler le grand nom, tout vainqueur que j'en suis. De vos traîtres, dit-il, voyez punir les crimes. Attendant les autels, recevez ces victimes. Bien d'autres vont les suivre. Et toi, cours au palais porter à sa moitié ce don que je lui fais. Porte à ses déplaisirs cette faible allégeance, et dis-lui que je cours achever sa vengeance. Ce grand homme, à ces mots, me quitte en soupirant, et baise avec respect ce vase qu'il me rend. Ah, soupir! Ah, respect! Oh, qu'il est doux de plaindre le sort d'un ennemi quand il n'est plus à craindre! Qu'avec chaleur, Philippe, on court à le venger lorsqu'on s'y voit forcé par son propre danger. Ne viens pas ici pour troubler une plainte trop juste à la douleur dont vous êtes atteinte. Je viens pour rendre hommage aux cendres d'un héros qu'un fidèle affranchi vient d'arracher au flot, pour le plaindre avec vous. Et vous jurez, madame, que j'aurais conservé ce maître de votre âme si le ciel, qui vous traite avec trop de rigueur, m'en eût donné la force aussi bien que le cœur. Si pourtant, à l'aspect de ce qu'il vous renvoie, vos douleurs laissaient place à quelque peu de joie, si la vengeance avait de quoi vous soulager, je vous dirais aussi qu'on vient de vous venger, que le traître Fetin, vous le savez peut-être. Oui, princesse, je sais qu'on a puni ce traître. Mais si prompt châtiment vous doit être bien doux. S'il a quelque douceur, elle n'est que pour vous. Tous les cœurs trouvent doux le succès qu'ils espèrent. Comme nos intérêts, nos sentiments diffèrent. Si César, à sa mort, joint celle d'Aquilas, vous êtes satisfaite. Je ne la suis pas. Le mal de Pompée, il faut une autre offrande. La victime est trop basse, mais l'injure est trop grande, et ce n'est pas un sang que pour la réparer son ombre et ma douleur daigne considérer. L'ardeur de le venger dans mon âme allumée, en attendant César, demande Ptolémée. Tout indigne qu'il est de vivre et de régner, je sais bien que César se force à l'épargner. Mais quoi que son amour ait osé vous promettre, le ciel plus juste enfin n'osera le permettre. Et s'il peut une fois écouter tous mes voeux, par la main l'un de l'autre, ils périront tous deux. Mon âme, à ce bonheur, si le ciel me l'envoie, oubliera ses douleurs pour s'ouvrir à la joie. Mais ciel, si ce grand souhait demande trop pour moi, si vous n'en perdez qu'un, oh ciel, perdez le roi. Ciel, sur nos souhaits ne règle pas les choses. Le ciel règle souvent les effets sur les causes et rend aux criminels ce qu'ils ont mérité. Comme de la justice, il a de la bonté. Oui. Mais il fait juger à voir comme il commence que sa justice agit et non pas sa clémence. Souvent de la justice, il passe à la douceur. Reine, je parle en veuve et vous parlez en sœur. Chacune a son sujet d'aigreur ou de tendresse qui dans le sort du roi justement l'intéresse. Apprenons par le sang qu'on aura répandu à quel souhait le ciel a le mieux répondu. Voici votre accordé. Hélas, sur son visage, rien ne s'offre à mes yeux que de mauvais présages. Ne nous déguisez rien, parlez sans me flatter. Qu'ai-je à craindre, accordé ? Ou qu'ai-je à regretter ? Aussitôt que César eût su la perfidie... Ce ne sont pas ces soins que je veux qu'on me dise. Je sais qu'il fit trancher et clore ce conduit par où ce grand secours devait être introduit. Qu'il manda tous les siens pour s'assurer la place où Fetin a reçu le prix de son audace. Que d'un si prompt supplice Aquila s'étonné s'est aisément saisi du port abandonné, que le roi l'a suivi. Qu'Antoine a mis à terre ce qui dans ses vaisseaux restait de gens de guerre, que César l'a rejoint. Et je ne doute pas qu'il ait su vaincre encore et punir Aquilas. Oui, madame. On a vu son bonheur ordinaire. Dites-moi seulement s'il a sauvé mon frère, s'il m'a tenu promesse. Oui, de tout son pouvoir. C'est là l'unique point que je voulais savoir. Madame, vous voyez, les dieux m'ont écouté. Ils n'ont que différé la peine méritée. Vous l'auriez sur l'heure. Ils l'en ont garanti. Il faudrait qu'à nos voeux, il eût mieux consenti. Dis-vous, naguère, et que viens-je d'entendre ? Accorder ces discours que j'ai peine à comprendre. Aucun ordre ni soin n'ont pu le secourir. Malgré César et nous, il a voulu périr. Mais il est mort, madame, avec toutes les marques que puissent laisser d'eux les plus dignes monarques. Sa vertu, rappelé, a soutenu son rang. Et sa perte aux Romains a coûté bien du sang. Il combattait Antoine avec tant de courage qu'il emportait déjà sur lui quelque avantage. Mais l'abord de César a changé le destin. Aussitôt,

sacrifier ma vie au bonheur de la vôtre. Le mien sera trop grand, et je n'en veux point d'autre, et digne que je suis d'un César pour époux, que de vivre en votre âme, étant morte pour vous. Une reine, ses 20 projets sont le seul avantage qu'un grand cœur impuissant a du ciel en partage. Comme il a peu de force, il a beaucoup de soin. Et s'il pouvait bien plus, il souhaiterait moins. Les dieux empêcheront l'effet de ses augures. Et mes félicités n'en seront pas moins pures, pourvu que votre amour gagne sur vos douleurs. Qu'en faveur de César, vous tarissiez vos pleurs et que votre bonté sensible à ma prière pour un fidèle amant oublie un mauvais frère. On aura pu vous dire avec quel déplaisir j'ai vu le désespoir qu'il a voulu choisir. Prenez-vous-en au ciel, dont les ordres sublimes, malgré tous nos efforts, savent punir les crimes. Sa rigueur envers lui vous ouvre un sort plus doux, puisque par cette mort, l'Égypte est tout à vous. Je sais que j'en reçois un nouveau diadème, qu'on n'en peut accuser que les dieux et lui-même. Mais comme il est seigneur de la fatalité que l'aigreur soit mêlée à la félicité, ne vous offensez pas. Si cette heure de vos armes qui me rend tant de bien me coûte un peu de larmes, et si, voyant sa mort due à sa trahison, je donne à la nature ainsi qu'à la raison. Je n'ouvre point les yeux sur ma grandeur si proche qu'aussitôt à mon cœur mon sang ne le reproche. J'en ressens dans mon âme un murmure secret et ne puis remonter au trône sans regret. Un grand peuple, seigneur, dont cette cour est pleine, par des cris redoublés demande à voir sa reine. Et tout impatient déjà se plaint aux cieux qu'on lui donne trop tard un bien si précieux. Ne lui refusons plus le bonheur qu'il désire. Princesse, allons par là commencer votre empire. Cependant qu'à l'envi ma suite et votre cour prépare pour demain la pompe d'un beau jour, où dans un digne emploi l'une et l'autre occupée couronne Cléopâtre et m'apaise Pompée, élève à l'une un trône, à l'autre des autels, et jure à tous les deux des respects immortels.